je te remercie pour ton album. Chaque matin je gratte mon pare-brise avec. Le rap est deck, j'ai le sac rempli de chrysanthèmes. Pour mon skeu tu trinques, seul royal soda. Pour ton flow qui pue, j'ai pensé à prendre le Rexona. Qui veut clash, hein? Je fais la guerre avec un sac. Le premier qui l'ouvre, je le froisse comme de la sape. On fera les présentations plus tard. Moi aussi je veux pénétrer l'industrie, laisse-moi de la place dans le plumard. Ras-le-bol de ces rappeurs passables. Si tu considères ça comme un jeu, va faire un château dans le bac à sable. Tellement de bougon, je ne sors plus sans mes boules-caisses. Les M6 lèchent le cul à s'en arracher les bouts de fesses. On ne sait même plus qui fait quoi, qui. Tu parles de tout baiser mais ton truc est tout riki. Black Brut numéro 10, c'est moi qui mène la danse. Congolais, fier de l'être mais j'aime quand même c'est la France. C'est franc les têtes brûlées. Mec de la street, ouais. Faut qu'il m'écoute le Black Brut bossé. Le skeu des bouclés, c'est bon. Enfin prêt pour le charbon. Les langues de pute implorent le pardon. C'est pour les têtes brûlées. Mec de la street, ouais. Faut qu'il m'écoute le Black Brut bossé. Le skeu des bouclés, c'est bon. Enfin prêt pour le charbon. La concurrence implore le pardon.